Théophile Gautier, la comédie de la mort, Tristesse, lu par Stanley pour audiocité.net. Avril est de retour, la première des roses de ses lèvres mi-closes. Rit au premier beau jour. La terre bienheureuse s'ouvre et s'évanouit. Tout aime, tout jouit. Hélas, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. Les buveurs en gaieté, dans leurs chansons vermeilles, célèbrent sous les treilles le vin et la beauté. La musique joyeuse, avec leur rire clair, s'éparpille dans l'air. Hélas, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. En déshabillé blanc, les jeunes demoiselles s'en vont sous les tonnelles aux bras de leurs galants. La lune langoureuse argente leurs baisers longuement appuyés. Hélas, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. Moi, je n'aime plus rien, ni l'homme, ni la femme, ni mon corps, ni mon âme, pas même mon vieux chien. Allez dire qu'on creuse, sous le pâle gazon, une fosse sans nom. Hélas, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse.